La cloche de Pâques par Jean Monclerc. Comme elle sonne gaiement la cloche neuve, avec une allégresse, elle envoie aux échos de la campagne, toute blanche et rose sous son manteau d'arbre fleuri, les hosannas de la résurrection. À l'entendre, c'est joyeuse, appelant d'une voix si fraîche les fidèles à se réjouir avec elle, on se doute bien qu'elle doit avoir une histoire. Elle en a une, et la voici. Pour remplacer la vieille église, croulante de vétusté, le village, à la prière de son curé, avait déployé vraiment un valeureux effort. Chacun avait fait l'impossible, les enfants cassant leur tirelire, les hommes donnant une journée de peine pour monter les murs ou enchevêtrer les charpentes du toit. Puis, quand les dernières ardoises avaient tendu leur auvent poli sur les murailles crépies de frais, dame, on avait soufflé, et le petit clocher était demeuré sans cloche. Le pasteur du hameau éprouvait de cette situation un regret très vif. Âgé comme il était, devrait-il donc perdre l'espoir d'entendre ici-bas le nouveau sanctuaire chanter la gloire de Dieu? Une église sans cloche, c'est bien triste. Mais qu'y faire? Le village ne pouvait donner davantage. Pour rien au monde, son vénéré chef n'aurait voulu lui demander encore. Peut-être un jour Dieu permettrait-il. Or il arriva que la grande maison sur la colline, la maison solitaire depuis que la guerre et la ruine l'avaient vidée, fut achetée par un fabricant de pâtes alimentaires qui installa une armée d'ouvriers. Il flanqua l'honnête façade de deux ébouriffantes tourelles en poivrière. Il fit tracer un jardin compliqué dans les broussailles exubérantes du parc. L'électricité, le téléphone, étirèrent leurs fils scintillants à travers champs pour desservir ce que chacun maintenant appelait le château. Ce que voyant, monsieur le curé sentit l'espérance renaître en son cœur. Un beau matin, il prit son bréviaire et son bâton et s'en alla vers le château. Un grand valet introduisit le prêtre près d'une façon de bourgeois gentilhomme qui eût fait la joie de Molière. Occupé à chauffer son ventre au soleil, le châtelain demanda assez brusquement à son visiteur ce qu'il désirait. « Monsieur, répondit l'abbé, étant curé de ce village, j'ai tenu à faire connaissance avec mon nouveau paroissien. Bien obligé, quoique à vrai dire, ce paroissien-là ne vous donnera guère d'ouvrage. » Il rit d'un gros rire qu'il jugeait spirituel et qui fit mal au digne prêtre. C'était si loin de ce qu'il espérait. Comment, après un pareil début, aborder la question, la chère question qui l'amenait? Un silence s'établit. Que rompit enfin le maître de séance poussé par le désir de montrer qu'il savait lui aussi être aimable. « Le village fait bien d'ici, apprécia-t-il, et votre église complète à merveille le tableau. » Le vieux curé se hâta de saisir la perche qui se trouvait lui être ainsi tendue. Elle complète donc sans être elle-même terminée. Oh bah, que lui manque-t-il encore? Il lui manque une cloche. Une cloche qui prierait pour tous. J'ai pensé... Le marchand de pâtes s'agita. Je ne sais ce que vous avez pensé, monsieur, mais moi je ne puis rien faire. Les aménagements que je dois terminer ici me coûtent les yeux de la tête. Et les affaires vont mal, serviteur. Tête basse, l'abbé s'en alla. La nuit suivante, le nouveau riche eut un songe. Il rêva qu'il était mort. Fâcheuse extrémité sur laquelle il n'arrêtait jamais son esprit. Traversant des nuées, son âme, car il s'apercevait soudain, quand il ne pouvait plus rien pour elle, qu'il avait une âme. Son âme arrivait à la porte du paradis. Saint-Pierre considérait sans émotion, avec un regard blasé, cette nouvelle voyageuse, et atteignant son grand livre, commençait d'interroger. « Qu'est-ce que tu faisais dans la vie ?»« Négociant. » Le saint essuyait ses lunettes. « Négociant. Négociant en quoi ?»« En pâte alimentaire. Je donnais à manger à mon prochain. » Saint-Pierre se fit sévère. « Pas de manœuvre louche ici. Tu donnais ou tu vendais ?» L'âme interdite baissa, si j'ose dire, le nez. On entendit tourner les pages du registre, feuilleté d'un doigt précis par le céleste porte-clés. Et tout à coup, Saint-Pierre prononça. « Mauvais ce dossier, très mauvais. Je vois. Au sein justifié, falsification de produits, spéculation, gêne accrue de ce fait dans une multitude de foyers. » « Écoute, entends-tu ?» Le saint leva la main, et l'âme tremblante entendit monter autour d'elle un concert lugubre de récriminations et de plaintes. Saint-Pierre expliqua. Ce sont les doléances de ceux dont tu as cru les difficultés, les pleurs des familles qui ont souffert par toi. Juste châtiment. Selon les instructions du divin maître, je ne t'ouvrirai ma porte que si quelqu'un vient plaider pour toi. On n'entendait plus que le silence auguste où roulent les mondes, silence plus oppressant encore que les lamentations de tout à l'heure. Aucune voix ne s'élevait en faveur de l'âme pécheresse. Terrifiée, elle s'apprêtait à s'abîmer dans l'éternelle fournaise quand le saint lui désigna un coin obscur. « Tu feras partie du prochain convoi, » décida-t-il. « Cela ne tardera guère. En ce moment, tes compatriotes de la terre semblent avoir perdu les plus élémentaires notions de leurs devoirs. En attendant, tiens-toi là et ne bouge pas. » L'âme fit ce qui lui était commandé. Pelotonnée contre la porte rayonnante qu'elle n'avait pas le droit de franchir, qu'elle ne franchirait jamais, elle essaya de se faire oublier. À l'interminable défilé des âmes, elle ne prêtait qu'une attention émoussée, tout absorbée qu'elle était par sa propre situation. Et voici que soudain, le négociant dressa l'oreille. À ce moment comparaissait devant le portier céleste un marchand de conserves dont le dossier ressemblait singulièrement à celui du vendeur de pâtes. Comme pour ce dernier, on entendait l'écho des plaintes arrachées à ses victimes. Mais voilà qu'ensuite monta dans l'insondable éther une voix argentine et puissante qui allait s'enflant, s'éployant, emplissant tout l'espace attentif. Et cette voix disait « Ne le condamnez pas sans m'entendre, Saint-Pierre. Je lui dois la vie. Je suis la cloche qu'il offrit à son village natal. J'appelle grâce à lui depuis des années à l'église des gens qui, sans moi, sans lui, n'y eussent pas songé. Depuis qu'il m'a suscité chez le fondeur, j'ai prié pour tous, je prie encore pour lui. Grand Saint-Pierre, Dieu ne peut être sourd à mon intercession. » Saint-Pierre, ému par les accents de la cloche, se moucha avec un bruit de tonnerre. Le nouveau riche s'éveilla, et dans le calme de la nuit bleue, longtemps, il songea. Voilà pourquoi, en ce jour de Pâques, clair, odorant et gai comme un sourire du paradis, une cloche neuve, bondissant au clocher neuf, envoie aux échos de la campagne, toute blanche et rose, sous son manteau d'arbres fleuris, et jusqu'au château dominant la colline, les hosannas de la résurrection. C'était la cloche de Pâques, par Camille Mauclerc.